Henri Emmanuelli a d'ailleurs redit qu'il n'était pas certain que pour redresser la France, il faille aller puiser des réserves de ressources dans les institutions financières internationales.